Un amour, la séparation est toujours dure, même pour quelques jours. Un baiser d'adieu fait couler des larmes. Un regard, un sourire, une accolade sont parfois insuffisants pour calmer le vide. Mais en pensant qu'en peu de temps, elle sera de retour, rend ce départ triste et le retour joyeux. Cœur, avant ton départ, je suis passé te voir pour imprégner ton visage radieux qui me rend si joyeux. Passer quelques jours sans écouter ta voix, c'est comme un enfer pour moi. Heureusement, tu deviens l'hallucination qui alimente ma passion. Plus tu es loin de moi, plus je me rapproche de toi. Je sais que le temps, avec sa vitesse, t'apportera point d'ombre pour calmer ma détresse. J'ai envie de te sentir et t'offrir mon soupir. Tu es ma lumière. Sans toi, je suis sans lueur. Tu ne cesseras jamais de me hanter et je passerai ma vie à t'aimer.